Moi, je suis donc brillant capitaine, sociologue, donc j'ai soutenu ma thèse il y a maintenant quelques temps à l'EHESS sous la direction de Michel Viviorca, donc sur les questions de revendication et de mouvements autochtones au Canada. Ce qui m'a amené donc à faire plusieurs post-doctorats au Canada. Donc là, j'en suis à mon deuxième. Après avoir été professeur adjoint au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université d'Ottawa. Et donc là, j'achève ma deuxième année de bourse postdoctorale donc du CRSH à l'Université McGill au département d'anthropologie. Et là, je travaille précis. Ce projet consiste à analyser les discours et la contre-histoire en fait des pensionnats qui émergent suite à la mise en place de la commission de vérité et réconciliation au Canada depuis donc qui a fini ses travaux en juin, qui a débuté en 2008 et puis qui a terminé là, en juin 2015. Donc c'est après 7 ans de travail et puis des milliers d'heures de témoignages. Voilà, donc quand je dépouille beaucoup de témoignages d'anciens survivants, je vois comment leur histoire est finalement reprise par la commission elle-même, ensuite comment elle est traduite par les médias, comment elle rentre dans la société civile, et puis éventuellement, mais ça c'est à plus long terme, de voir est-ce que cette contre-histoire va participer à redéfinir les nouveaux rapports sociaux entre les autochtones et la majorité canadienne. Voilà, donc ça c'est ce qui me préoccupe depuis un an. J'ai dirigé un ouvrage collectif qui va paraître aux presses UBC Press cet hiver avec une collègue de l'Université d'Ottawa, Karine Van Thuyn. Et puis je prépare une monographie plus générale sur mon travail aux presses de l'Université d'Ottawa qui devrait sortir d'ici un an à peu près. C'est toujours très long. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce que j'ai proposé finalement, bah, c'est un petit peu de. C'est certainement ambitieux, mais bon, si je dispose d'une heure, peut-être que je vais réussir à tout faire rentrer dedans. C'est un petit peu revenir sur mon travail de thèse, et puis pour et ce que je voulais faire, c'était montrer finalement qu'il peut y avoir peut-être une continuité entre. Ce qu'on pourrait dire un épuisement finalement du mouvement autochtone qui est plutôt politique et juridique au Canada et qu'il y a des nouvelles luttes, des nouvelles formes de lutte plus symboliques qui font appel à des logiques d'action qui sont différentes, qui sont plus performatives et donc notamment cette commission et puis le mouvement aussi, je dirais quelques mots. Le mouvement Idle No More qui a émergé il y a 2 ans maintenant bon, et qui est un peu maintenant en léthargie, mais qui a surpris quand même beaucoup de leaders autochtones, qui a surpris les médias, qui a surpris beaucoup de monde, donc qui a rayonné un petit peu partout au Canada. On n'avait pas vu ça depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années au Canada. Une mobilisation populaire aussi grande que ça. Donc voilà, l'idée, c'est pour ça que j'avais appelé ça déboire et espoir du mouvement autochtone, c'est-à-dire bon, montrer un peu l'épuisement du mouvement politique et puis du mouvement politique et juridique, et puis de montrer les nouvelles luttes et puis les nouvelles logiques d'action qui émergent maintenant. Donc vous voyez, c'est ambitieux. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais un petit peu contextualiser les choses. D'abord au niveau sémantique, bon, qu'est-ce que c'est autochtone? Alors, et puis d'où est-ce qu'on parle? Bon, en gros, au Canada, ce qu'on appelle les autochtones, ce sont les Inuits, les Premières Nations, les Amérindiens ou Indiens, et les Métis. Donc c'est les trois grandes, on va dire, nations autochtones, et c'est ça un petit peu qu'on. Alors c'est pas une catégorie qui est partagée par tout le monde. Il y a des catégories, les acteurs se définissent comme des fois comme indiens pour renverser un petit peu le stigmate. Ils peuvent se définir donc comme autochtones. Ça, c'est surtout les leaders politiques qui se définissent comme ça, qui reprennent finalement une catégorie politique. Les autres, des fois, se réfèrent à leur propre nation. Donc, je suis Atikamekw, je suis Algonquin, je suis Anishinaabeg, je suis Innu. Bon. Donc, c'est pas une catégorie. Hein. Quand je parlerai d'autochtones, je ne pense pas ça de manière fixe et immuable. Je ne reprends pas non plus la catégorie politique. Mais bon, il y a faute de mieux, j'utilise ça comme terme pour rassembler un petit peu pour parler de cette identité, mais qui n'est pas du tout quelque chose de consensuel ou de fixé. Bon. Voilà pour la petite clarification sémantique. Ensuite, au niveau des luttes au Canada, bon, on a surtout en fait en France comment dire une. Souvent, on dit, bon, il y a des Inuits au Canada, il y a des Esquimaux, d'accord. On a tous lu Jean Mallory, bon, il a beaucoup essaimé en France, mais on connaît moins. Ah, il y a un mot de passe. J'étais sûr. On connaît moins, en fait, on connaît plus les T'as vu, c'est Oui. compliqué, hein, de là à là. Parfait, merci. Et on connaît moins, bon, il y a quand même 80 nations autochtones au Canada. Ici, en fait, c'est une carte qui représente les négociations territoriales et les traités historiques qui ont été signés au Canada depuis en fait la fin du 19e. Donc vous voyez, en fait, c'est pour ça que je vous montre la carte, bon, c'est très très dense. Tout le territoire, si vous voulez, en gros, est soit a été déjà négocié, les droits ont déjà été, enfin, il y a déjà une entente, un traité historique qui a été signé, ou alors ils font l'objet d'une revendication territoriale. En fait, vous avez tout le centre du Canada qui est visé par les traités historiques. Donc là, c'est des traités qui ont été signés à la fin du 19e. Au moment ben, de l'acte de confédération du Canada qui a scellé finalement la fédération canadienne en 1867. Ils vont fêter les 150 ans en 2017. Donc ça va être une grande fête à Ottawa. Donc ça, c'est des traités qui ont été signés un petit peu sur le même modèle des Américains. Et puis après, on a toutes ces régions-là, bon, principalement en fait le Québec, qui est rayé, et ici la Colombie-Britannique, où aucun traité n'a été signé. Donc là, depuis les années 70, on a des revendications territoriales qui sont ouvertes, donc pour clarifier finalement la situation. Donc et c'est là-dessus que va porter ma présentation. Donc, il y a des traités qui ont été ce qu'on appelle des traités modernes, qui ont été signés, par exemple, pour ceux qui connaissent la Convention de la baie de James et du Nord québécois, qui a été signée au début des années 70 avec les Cris et les Inuits. C'est tout ce territoire ici qui est un territoire qu'on dit conventionné, c'est-à-dire que les activités, on va dire, d'extraction ou d'exploitation des ressources naturelles sont possibles à condition que les autochtones soient consultés, qui donnent leur accord et moyennant donc des compensations financières. Donc il y a des transferts financiers qui se font régulièrement, ce qui fait que le niveau de vie est beaucoup plus est meilleur, on va dire, dans cette région-là que dans, par exemple, la région plus à l'est chez les Innus. Alors je parlerai très peu de cette région au milieu là qui est visée par les traités historiques. Pour la simple et bonne raison, bah, que en fait, les droits sont sont cédés, sont éteints, ils appellent ça. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, ma thèse a porté finalement sur cette revendication territoriale avec les Innus. C'est ici, donc là, on reconnaît la carte du Québec. Donc, la revendication porte sur ce qu'ils appellent le Nitassinan, c'est le. Enfin, au départ, en tout cas, pour les autochtones, l'idée, c'est ça, c'est revendiquer donc l'ensemble de cette région qu'ils appellent le Nitassinan, qui veut dire en Innu la terre-mère. Et donc en rouge, on voit ce sont les réserves Innu au Québec. Donc il y a déjà 11 nations, 11 nations autochtones au Québec. Donc les Innus font partie, il y a aussi les Algonquins, il y a aussi les Mohawks qu'on connaît un petit peu plus, qui font un petit peu plus de bruit, les Inuits, bon. Donc on va en gros, moi les exemples à partir desquels, dans lesquels je vais puiser, c'est surtout des exemples qui relèvent donc de cette analyse des revendications territoriales menées par les Innus depuis les années 70. Donc pour l'instant, aucun traité n'a été signé. Une entente de principe a été signée en 2005 entre le gouvernement du Québec, du Canada et quatre communautés. Alors, il y a la communauté donc ici, celles qui sont ici. Celle-là a mené des négociations à part. C'est celle où j'ai fait ma thèse. Donc, en gros, il y a vraiment un morcellement, si vous voulez, une fragmentation de la lutte. Vous voyez aussi que le territoire, en fait, visé par les Innus, chevauche en fait la frontière du Labrador. Or, les provinces, or c'est, le Canada est un État fédéral, donc chaque province a ses propres compétences, son propre gouvernement, son propre Premier ministre. Donc, si vous voulez, il chevauche vraiment entre des ordres juridiques qui sont extrêmement différents. Donc ça, c'est ce qu'ils voudraient voir reconnaître. La réalité est tout autre. Donc c'est un petit peu cette différence, cette dissonance entre ce que eux se représentent comme étant leurs droits politiques, comme sujet, comment ils se représentent comme sujet politique, et ce qu'ils arrivent à avoir réellement, c'est vraiment très très éloigné. Donc j'ai intitulé cette présentation « Triste Grand Nord avec un point d'interrogation, déboires et espoirs des résistances autochtones au Canada ». Donc pourquoi « Triste Grand Nord » En fait, c'est une question que m'a posée Michel Viviorca, mon directeur de thèse, au moment de ma soutenance. Il m'a dit « Est-ce qu'il ne faudrait pas écrire « Triste Grand Nord » donc en référence à « Triste Tropique » qui posait un regard très pessimiste sur l'état bon, des sociétés traditionnelles en Amazonie. Bon, à voir effectivement l'échec des luttes des autochtones donc pour enrayer les inégalités sociales, leur dépendance envers l'État, la violence qui mine les communautés. Effectivement, on peut pencher vers l'affirmative. Comme une partie de l'exposé va le montrer. Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, il y a des formes de lutte qui me semblent émerger, donc déboire, oui, mais aussi espoir. Je donnerai ici, en guise de contexte, quelques statistiques pour étayer un petit peu cette image victimaire, qui n'est pas une image... qui n'est pas un construit social, mais qui est une vraie réalité dans les réserves autochtones. En gros, dans le domaine du travail, le taux de chômage dans une réserve en 2006, c'est 23% de la population active. C'est un pourcentage 4 fois supérieur à celui des non-autochtones. En 2011, 14 000 enfants âgés de moins de 14 ans donc étaient placés en famille d'accueil. Ça représente à peu près 3,6% des enfants autochtones sont placés dans des familles d'accueil. En comparaison, c'est 0,3% des familles canadiennes, des enfants canadiens qui sont placés, qui font l'objet d'un placement. Les membres des Premières Nations, donc des Amérindiens, sont 6 fois plus susceptibles de mourir à cause de problèmes liés à l'alcool et 3 fois plus susceptibles de mourir à cause des problèmes de consommation de drogue. Les suicides sont 2 fois plus nombreux donc chez les autochtones que dans le reste de la population canadienne. Et pour les Inuits, le taux de suicide est 6 ou 7 fois plus élevé. 6 à 11 fois, pardon, plus élevé que dans la population canadienne. J'ai pas compris, 2 fois plus de suicides ? Oui, il y a 2 fois plus de suicides chez les Amérindiens. Ouais. Et 6 à 11 fois dans la population inuit. D'accord. Alors cette vulnérabilité sociale donc, a également pour conséquence un taux 3 fois supérieur de violences faites aux femmes. Ça, on en a beaucoup parlé, des femmes disparues, des femmes assassinées. En Saskatchewan, une province de l'ouest du Canada, 60% des femmes portées disparues étaient autochtones, alors qu'elles ne représentent que 6% de la population. Donc là, on est face à un problème social, vraiment un gros problème social, qui fait l'objet donc qui est un des enjeux aussi de la campagne des élections fédérales là, qui aura lieu en octobre, puisque le Premier ministre a refusé de mettre en place une commission d'enquête publique sur cette question, prétextant que ce n'était pas un problème sociologique, mais que c'était un problème uniquement judiciaire. Donc il a, si vous voulez, évacué la dimension ethnique et raciste de ce genre d'acte en prétendant que c'était uniquement un problème juridique. Donc cette représentation misérabiliste et victimaire à laquelle qui est véhiculée par les représentations et les représentations populaires, bien sûr, n'est pas c'est pas que ça les questions autochtones. Depuis les années 70, ce sont aussi des acteurs à part entière de la scène politique, à la fois locale, nationale et internationale. On en parlera aussi de la déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Donc le mouvement, en tant qu'acteur collectif, a connu de nombreux succès depuis 1969. La reconnaissance et la protection des droits ancestraux et du titre aborigène dans la loi constitutionnelle de 1982. Donc en gros, la Constitution canadienne, il y a deux parties. Il y a la Charte des droits et des libertés. Et puis la deuxième partie, c'est sur les droits des autochtones. Donc déjà là, on voit qu'il y a une séparation claire entre... On a des droits collectifs autochtones. Et puis de l'autre côté, on a des droits individuels qui sont liés finalement aux droits humains. Hein, liberté de conscience, etc. Mais c'est deux choses qui sont totalement différentes. Donc d'ailleurs, dans les années 80, le grand débat a été comment on articule, est-ce qu'on peut articuler, est-ce que les droits collectifs des autochtones ont préséance sur les droits, sur les droits individuels, etc., ou est-ce que c'est l'inverse. Donc là-dessus, le débat n'est toujours pas tranché, mais on est passé à d'autres questionnements. Bon. Il y a eu aussi une mise en place de la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones en 1990. Puis plus récemment, la déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Bon, tout ça, ça fait quand même beaucoup aussi de victoires. Aujourd'hui, on consulte les autochtones. Enfin, on essaye en tout cas souvent de les consulter dans les cas de projets des barrages hydroélectriques. Il participe, on va dire, à la gouvernance du territoire. Mais bon, tout ça n'a pas participé à enrayer les inégalités. Bon, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le mouvement autochtone n'est pas donc uniforme. À côté de ces luttes politiques, il y a bien d'autres formes aussi de résistance qui se développent. Donc dans une première partie de l'exposé, je rappellerai finalement, je ferai un bref historique de comment ce mouvement autochtone, en tout cas, a émergé et est devenu un mouvement politique à part entière. Et je montrerai à travers ça ses limites, hein, les limites de cette approche politique de l'action. Et dans la seconde partie, donc j'essaierai, si j'ai le temps, d'explorer un petit peu les autres formes de lutte plus populaires, plus anodines, plus subjectives, qui émergent ici et là, au niveau local, mais qui portent des enjeux globaux, qui émergent donc à travers la mise en place de cette commission. Voilà. Donc ces résistances constituent des espaces d'action symboliques innovants par rapport à l'action stratégique qui domine le mouvement autochtone depuis les années 70. Bon. En gros, la résistance des peuples autochtones au Canada, on situe ça à partir de 1969, où finalement une lutte unitaire a lieu pour s'opposer au livre blanc. Le livre blanc, qui est à l'époque, ils appelaient ça une politique indienne, donc présentée par Jean Chrétien, qui a été après Premier ministre du Canada, mais qui était à l'époque ministre des Affaires indiennes. Ça a été abandonné rapidement par le gouvernement fédéral, mais ça a permis, cette opposition a permis au mouvement autochtone de trouver un adversaire commun et de se structurer collectivement autour d'une identité. Alors c'était quoi ce livre blanc ? Ce livre blanc, en fait, proposait ni plus ni moins d'abolir la loi sur les Indiens. Alors la loi sur les Indiens, c'est quoi ? La loi sur les Indiens, ou anciennement appelée l'acte pour la civilisation graduelle des sauvages, c'est quelque chose qui... C'est donc une loi qui a été adoptée au moment de l'acte de la Confédération du Canada. Donc à la fin du... À la fin de... Enfin, c'est 1873, je crois. 1870, par là. Et donc, en fait, c'est ça qui instaure le régime des réserves, c'est ça qui a instauré le régime des pensionnats, etc. Bon, le statut, finalement, particulier des autochtones à l'intérieur du Canada. Donc, dans un souci d'égalité, le gouvernement a décidé d'abolir cette loi discriminatoire. Et donc, il est dit dans cette politique, l'Indien en est venu à être considéré comme un être à part. Et donc, si on peut juger ce projet politiquement louable, puisqu'il repose sur une universalité, finalement, un libéralisme politique fort louable, ça a été totalement rejeté par les autochtones. C'est-à-dire que, en fait, dans ce livre blanc... La question de l'identité collective était vécue comme une nuisance, finalement, comme quelque chose de discriminatoire, alors que pour les autochtones, cette identité collective, elle reflète leur différence, elle reflète leur singularité. Donc finalement, c'est autour de ce livre blanc, de cette tentative finalement pour éradiquer la différence, que ce mouvement autochtone émerge, donc pour la reconnaissance de leur différence. Donc là, on a souvent on date ce mouvement là, enfin ces mouvements plutôt comme étant précurseur, parce qu'on a c'est un mouvement particulier. On a affaire à ce moment-là à des acteurs qui sont totalement différents. C'est plus des leaders politiques autochtones, etc. C'est des jeunes scolarisés qui ont fait leurs études. C'est des vétérans, souvent aussi, de la Seconde Guerre mondiale, qui ont fait à travers l'armée l'expérience de cette égalité sociale et qui, au retour, finalement, on leur a promis des terres, on leur a promis, comme les autres vétérans. Et à ce moment-là, on leur dit non, vous êtes autochtones, vous n'avez pas le droit à ces terres-là. Donc il y a l'expérience de la guerre et l'expérience du retour a participé à façonner aussi cette idée de discriminatoire, d'être autochtone, etc. Donc on a vraiment des nouveaux acteurs, donc des jeunes hommes scolarisés, des femmes, des vétérans, qui apportent finalement aux conflits locaux une dimension globale. À ce moment-là, on est à la fin des années 60, début des années 70. Donc c'est les luttes pour la décolonisation, c'est l'expansion des droits humains, etc. Donc on fait référence aux Kanaks, on fait référence aux Algériens. On est vraiment dans une effervescence anticoloniale, etc. Donc on n'est pas du tout, à ce moment-là, dans un mouvement politique centré sur soi-même, etc. On est vraiment dans une lutte pour la reconnaissance des droits humains. Il y a une solidarité. Ça, c'est important de noter ça. Il y a une solidarité entre les acteurs. une solidarité qui se trouve par la reconnaissance chez l'autre d'enjeux communs. À ce moment-là, les Québécois soutiennent les luttes autochtones. Les autochtones soutiennent les luttes des Québécois. Je ne dis pas au niveau politique et des leaders, mais je veux dire, le militant du Parti québécois des années 60, 70, de la Révolution tranquille, il est pour les luttes d'autodétermination, quelles qu'elles soient. Et c'est drôle, à ce moment-là, ils ne sont pas concurrents, mais ils sont plutôt alliés contre le pouvoir fédéral. D'ailleurs, les politiques multiculturelles que Trudeau mettra en place en 73 sont faites pour contrer à la fois le mouvement autochtone et les luttes et les velléités indépendantistes souverainistes du Québec. Donc ça, c'est important de le noter. C'est vraiment une période où, quand on regarde les sources historiques, il y a une les discours, etc., il y a une solidarité, même les aînés qui vivaient à ce moment-là à Montréal, etc., témoignaient, ils militaient au Parti québécois aussi. Il y avait des autochtones qui militaient au Parti québécois. Aujourd'hui, on est dans un climat qui est radicalement différent. C'est les hosties d'Indiens qui ne payent pas de taxes, etc. Donc comment on en est arrivé là? C'est un peu l'idée, moi c'était un peu la question de ma thèse, je me dis mais c'est pas possible, comment en l'espace de 40 ans, un mouvement d'autodétermination comme ça, une lutte qui porte quand même, qui est progressiste, etc., s'enferme et se replie, etc. Donc ça c'est après les années 70, face à cette effervescence, et pour régler les différents territoriaux, donc au Québec et en Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada se dote d'une politique de revendication territoriale consiste à encadrer les négociations. Donc on n'est plus dans un mouvement là populaire où on va s'exprimer, où on va dire etc. Le gouvernement à ce moment-là il dit bon, nous on va créer une politique et si vous voulez avoir des droits, il faut vous inscrire dans cette politique-là. Donc ça c'est 1973, et à ce moment-là, on voit un changement, c'est-à-dire qu'on voit donc toutes les manifestations populaires qui ont lieu à Ottawa, etc., sont réprimées par la police, parce qu'elles sont jugées illégales, et les leaders autochtones, les politiques, les avocats reviennent sur le devant de la scène, et formulent leurs revendications en termes juridiques, en termes politiques. Et donc se soumettent à cette nouvelle politique des revendications territoriales. Alors qu'est-ce que c'est que cette politique? En fait, cette politique, elle opère elle vise finalement à régler le conflit, un peu à la manière des traités historiques classiques, c'est-à-dire, en gros, vous signez avec nous et on éteint vos droits. C'est-à-dire, ce que vous avez le droit, c'est ce qui aura écrit dans le traité, et c'est tout. Donc là, on est bien loin de l'autodétermination ou l'égalité. On est dans une forme, finalement, de colonisation, c'est combien vous voulez et vous voulez chasser quoi, en gros voilà, c'est l'argent, chasse, pêche, et puis bon, on va faire des quotas et vous aurez droit à tant de... Alors la formule a évolué avec le temps sous la pression des autochtones. Maintenant on parle plus d'extinction mais on parle de suspension, c'est-à-dire qu'on suspend les droits des autochtones, des nations qui vont créer ça, qui vont signer avec le gouvernement. Et on va suspendre les droits et puis on pourra les réouvrir dans des cas qui sont, dans des modalités qui sont encadrées à l'intérieur du traité. Donc on voit que c'est des questions, ça devient extrêmement complexe. On n'est plus du tout dans un discours, morale, universelle, etc., mais on est dans un discours extrêmement technique, hyper juridique, où tout est encadré. Donc ça, c'est le premier point, c'est la dimension technique en fait de la, du conflit. On n'est plus dans un, dans un mouvement, une action collective, etc. On est vraiment dans, dans du politique et du juridique. Le deuxième, c'est que celui qui a le droit de signer cette entente, ce n'est pas les autochtones. Celui qui a le droit de signer l'entente, c'est la bande. C'est-à-dire que le noyau central, c'est la communauté, c'est la réserve. Et donc ça, ça crée une espèce de... un morcellement complètement du mouvement. C'est-à-dire que comme les droits qu'on va leur reconnaître sont légitimes parce qu'ils occupaient ce territoire avant la colonisation, hein, on va reconnaître les droits que sur la base d'une occupation antérieure et sur des pratiques antérieures. Donc comme chaque bande a des pratiques particulières, parce que ben, quand on est dans l'ouest, on fait de l'orignal, et puis ben, quand on est plus dans l'est du Québec et, sur la, et près du Labrador, ben, des orignaux, il y en a plus, et du caribou, ben, ce n'est pas les mêmes pratiques. On ne chasse pas pareil. Donc, on va négocier avec cette bande-là. Et il va avoir des droits particuliers. Puis celle-là, il va avoir des droits particuliers, etc. etc. Donc, en fait, et chaque communauté, ensuite, va donc regarder avec un petit peu de jalousie, c'est ce qui se passe, ce que l'autre a réussi à avoir. Donc, chaque ce qui était avant un mouvement, on va dire, populaire, une action collective, devient une espèce d'agrégation de lutte stratégique. Donc en gros, on passe de Touraine à Boudon, quoi, pour faire simple. La réalité, c'est ça. C'est qu'on a au départ, on avait des acteurs touréniens, des nouveaux mouvements sociaux, et puis maintenant, on a des boudoniens qui sont dans l'action stratégique. Complètement individualisé. Donc, cette politique, elle distingue des Indiens qui sont légitimes, hein, pour... c'est ceux qui ont le statut d'Indien, donc qui, de ceux qui n'ont pas le statut d'Indien. Ceux qui n'ont pas ne peuvent pas négocier avec le gouvernement. Le statut d'Indien, je le rappelle, c'est un pourcentage, hein, de 100 Indiens, etc. Les femmes, par exemple, qui se sont mariées avec... enfin, maintenant, le cas a été plus ou moins réglé, mais c'est pas encore fini. Mais une femme autochtone qui se marie avec un blanc perd son statut d'Indien. D'accord ? À un moment donné, un Indien qui allait à... je dis un Indien parce que je parle des politiques indiennes des années 60. Un Indien qui allait à l'université était nécessairement émancipé. C'est-à-dire qu'il perdait son statut aussi d'Indien. Donc cette politique-là, elle vise vraiment enfin, elle a pour effet, je ne sais pas si elle vise, mais elle a en tout cas pour effet... de diviser constamment le mouvement. Donc de créer des tensions entre les communautés, d'ancrer l'identité autochtone dans une espèce d'ensemble d'essence, c'est la chasse, c'est la pêche, etc. Bon. Donc être autochtone, c'est l'autre, hein. L'autre, mais de manière irréductible, quoi. C'est forcément l'autre, puisque c'est celui qui était avant que nous on arrive. Donc... Et l'identité autochtone, elle est figée comme ça dans un passé, elle est essentialisée, et ce n'est que si elle s'exprime dans ses essences qu'elle a le droit à la reconnaissance. Vous voyez, là, ça va très très très très très loin. Alors ça a des effets extrêmement délétères. Je dirais très rapidement un mot sur le Québec, parce que c'est important de distinguer le jeu entre le Québec, Canada et puis les autochtones. Bon, le contexte québécois a bien entendu influencé, parce qu'ils ont profondément pressé donc, le développement économique et l'exploitation forestière. Donc ça a poussé les autochtones à se tourner vers le gouvernement fédéral pour la protection de leurs droits, puisque c'est ça que c'est un peu un effet pervers. C'est-à-dire que comme le gouvernement, ce sont les provinces qui ont les compétences sur l'exploitation des ressources naturelles, et que les autochtones dépendent du gouvernement fédéral, il y a un jeu comme ça à trois qui s'opère, et qui a participé comme ça, le fait que les autochtones se tournent vers le gouvernement fédéral pour faire reconnaître leurs droits. Eh bien, ça, les autochtones sont vus au Québec comme étant on va dire, des alliés du gouvernement fédéral contre nous. Donc, je passe sur le contexte du rapatriement de la Constitution dans les années 80 au Québec, où au départ, les autochtones avaient beaucoup plus de droits, mais le Québec s'est opposé à cette signature, et là, ça a été... Le point de non-retour entre le Québec et les autochtones. En gros, il y a cette division, cette association entre les autochtones, c'est le fédéral, c'est pas notre problème, c'est le fédéral. Ils sont, à mesure que la lutte a formulé, finalement, s'est inscrite dans ce modèle, cette politique fédérale, l'alliance entre le Québec et enfin, la reconnaissance, finalement, d'enjeux communs, c'est totalement, est devenu totalement impossible. Donc, je disais, cette politique a des effets totalement délétères, dans le sens où ce relativisme culturel, puisque là on est en plein dedans, on va dire, mais c'est parce qu'ils sont différents, etc., on est vraiment une reconnaissance hyper essentialisée de la différence, ça participe à renforcer un racisme différentialiste, un racisme culturel. C'est-à-dire que l'Autochtone, il ne peut pas être intégré dans la société. Il ne peut pas être intégré dans la société puisqu'il est l'autre. Il ne peut pas être nous. La juriste Isabelle Schultetenkopf écrit donc avec justesse, les peuples autochtones sont désormais en mesure de réclamer certains droits spéciaux d'ordre culturel, mais à condition de se conformer à des normes de culture distinctive définies de manière exogène. Donc cette politique relativiste, poussée à son extrême, participe paradoxalement à la remise en cause de l'existence même des autochtones. C'est-à-dire qu'elle alimente en même temps des thèses disparitionnistes. Puisque finalement, être autochtone n'existe que en se référant aux normes des politiques. Or, si on regarde ce qui se passe dans une bande indienne ou dans une réserve, c'est pas du tout. Ils sont modernes, ils ont des pick-up, ils vont à la chasse avec des skidoo, enfin avec des motoneiges, des fusils, etc. Donc ça pousse beaucoup aussi de personnes, notamment la droite conservatrice au Canada, à dire que les autochtones, comme ils ne reflètent plus l'image traditionnelle, etc., ils n'existent plus. Donc on passe même du racisme à la disparition même de l'existence des autochtones. Ce qui m'a fait dire, j'ai écrit un papier là-dessus, que finalement, aujourd'hui, le gouvernement du Canada ne cherche plus à assimiler les peuples autochtones à travers des politiques, etc., mais en reconnaissant, à travers le système de reconnaissance des droits tel qu'il est formulé, vise totalement à les exclure, mais à les faire disparaître. Mais disparaître, pas par l'assimilation, mais par l'exclusion totale du reste du Canada. Alors, face donc à cette institutionnalisation du mouvement autochtone. Oui, donc non, pour conclure, Donc cette réponse à la décolonisation donc apportée par le gouvernement et dans laquelle sont contraints, je le répète, les autochtones sont contraints de s'inscrire dans cette politique, d'inscrire leur lutte dans ce cadre politique. Donc ça ne permet pas aux peuples autochtones de définir eux-mêmes leur culture, d'être de réels sujets politiques. Leur culture est limitée aux pratiques reconnues comme étant spécifiquement associées à telle ou telle bande. Les droits ancestraux, qui sont reconnus par la Constitution, ne tirent leur légitimité juridique que de l'occupation, finalement, et pré-coloniale. Donc, ces droits ne s'inscrivent pas dans une perspective universelle, mais dans une occupation dont la définition est laissée à la discrétion des tribunaux, une occupation historique d'un territoire spécifique. Et donc, ça fait l'objet d'énormes débats devant la Cour suprême sur des cas extrêmement particuliers, c'est-à-dire, par exemple, un pêcheur, il y a eu l'arrêt Marshall, par exemple, sur la pêche, Larry Sparrow, c'est un pêcheur qui, en Colombie-Britannique, pêchait avec un filet de 50 mètres plus long que la norme de pêche. Il s'est attrapé par le garde-pêche. Il va en cours et il dit « c'est mon droit ancestral de pêcher », etc. comme ça. Et puis ça va jusqu'en Cour suprême qui dit « oui, effectivement, avant, dans la tradition, les autochtones pêchaient avec des filets qui mesuraient tant. Alors, il y a des archéologues, chacun y va avec ses experts, etc. Bon. » Et à la fin, ça débouche sur les autochtones ont le droit de pêcher, c'est leur droit ancestral de pêcher à des fins de subsistance, etc. Et alors là, vous avez tous les autochtones du Canada qui déboulent dans les rivières avec des filets. Et qui pêchent, et qui pêchent, et qui pêchent pour exercer leur droit ancestral. Donc, ça n'a plus rien à voir avec la mobilisation d'avant. Bon, ce qui est fondamental à voir, à mon sens, c'est cette crise finalement de la solidarité. À un moment donné, on a des luttes communes, on a une identification et une reconnaissance de l'autre, réciproque, une réciprocité, une intersubjectivité, on pourrait dire, Axel Honneth. Mais cette intersubjectivité, elle disparaît, elle est broyée par les techniques juridiques, les procédures politiques doivent s'exprimer le droit. Alors, face à ce contexte finalement national qui est totalement bloqué, les autochtones ont pris des chemins de traverse. Très rapidement, ils se sont détournés du cadre national pour aller exprimer exprimer leurs revendications à l'échelle internationale. Donc la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones est le fruit, qui a été signée en 2007, est le fruit de cet effort. Alors, ça fait longtemps qu'ils sont sur la scène internationale, ça fait depuis les années, on va dire, 70. Ils sont allés à Genève, ils ont fait des sittings, etc. Donc, cette déclaration des Nations Unies, le Canada, qui avait pourtant soutenu la déclaration, a refusé de la signer en 2007 pour finalement faire volte-face et accepter la signature sous la pression des leaders autochtones et de la communauté internationale en disant que de toute façon ça n'a pas un caractère contraignant. Voilà. que le Canada possède déjà un ensemble de un système finalement de réparation et d'accommodement des conflits qui est le sien, et en plus que cette déclaration des Nations Unies, et ça c'est vrai, elle remettrait en cause, elle réouvrirait, si vous voulez, les traités historiques qui ont été signés et qui sont normalement, pour le Canada, clos. Et ça, c'est un des enjeux fondamentaux, c'est-à-dire que aujourd'hui, les Autochtones voient ces traités-là au Canada autrement que le gouvernement du Canada. Donc il y a une différence de représentation. Et cette déclaration des Nations Unies, elle reconnaît l'autodétermination des peuples. Et elle articule, et c'est ça qui me semble être quelque chose de vraiment d'intéressant, c'est qu'elle articule à la fois les droits collectifs et les droits individuels. C'est-à-dire que autant le Canada, un petit peu comme le mouvement originel des années 70. Le mouvement originel des débuts des années 70, c'est vraiment dans les droits humains, mais c'est parce qu'on reconnaît les droits humains et le droit à l'égalité qu'on reconnaît le droit à l'autodétermination. Donc c'est cette espèce d'imbrication entre les droits individuels et les droits collectifs qu'on retrouve finalement sur la scène internationale. Et c'est là qu'en faisant la comparaison entre la manière dont se formulent les revendications dans les années 70, c'est très très proche de ce qui sort de cette déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones de 2007. Et à côté, au Canada, on voit vraiment, à l'échelle nationale, dans le contexte national, on voit vraiment l'effet de la colonisation, quoi, et des rapports de domination sur le mouvement, quoi, qui vraiment écrase et formule ça dans de manière en ses propres termes, quoi, finalement. La déclaration, l'arène internationale, là je cite Gérard Collomb, l'arène internationale permet aux leaders amérindiens d'investir l'univers des représentations et de se réapproprier une capacité à proposer eux-mêmes une catégorisation du fait amérindien dans l'espace politique et social. Donc là, l'avantage de cette, quand les Autochtones portent ce mouvement à l'échelle internationale, c'est un mouvement qui redevient créatif, c'est-à-dire qui porte sur qu'est-ce que c'est un peuple autochtone, qui sommes-nous, etc. Et cette déclaration, elle est vraiment le fruit d'un débat à l'échelle globale des droits collectifs, comment ces droits collectifs peuvent aussi s'articuler avec les droits individuels. Donc l'enjeu de ces luttes internationales, c'est plus la définition des droits ancestraux, mais c'est finalement le contrôle, quoi, de la production des droits culturels. C'est nous, on veut pouvoir contrôler la manière dont on se représente. Donc on remonte à un niveau, là je fais mon tourénien, on remonte à un niveau métasocial, dirait Touraine, c'est-à-dire que l'enjeu de la lutte, c'est réellement le contrôle de la production de l'identité. Et moi, je vois un petit peu cette déclaration des Nations Unies comme le produit de cette, ou l'affirmation en tout cas, de cette capacité qu'ont les Autochtones à produire leur propre identité, à produire leur propre futur, à produire finalement leur propre histoire. Là, je fais un petit peu le grand écart, c'est-à-dire que donc il y a cette dimension internationale de la lutte. Donc les Autochtones vont sortir, le mouvement va sortir de cet espace national, en partie en tout cas, pour se projeter au niveau international. Il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que il va aussi se projeter sur l'espace local, sur des pratiques extrêmement intimes. Je pense aux pratiques de guérison chamanique, à la question du soin, etc., comme affirmation de soi, de sa capacité à comment dire, à s'approprier son propre corps. Donc là, c'est pareil, on est toujours dans la question de la décolonisation, des droits individuels, des droits collectifs, mais dans le versant beaucoup plus intime. Donc il s'agit, dit Touraine, là je le cite, il y a une belle phrase, il s'agit plus de changer la vie, plus encore que de transformer la société. Donc là, on est dans des thèmes qui sont extrêmement subjectifs. James Tully aussi, qui est un professeur, parle lui de lutte de liberté. Alors ça, c'est une traduction, lutte de liberté. Moi, j'aime bien, je préfère parler de lutte par la liberté. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans des cas qui sont des pratiques individuelles, personnelles, quotidiennes, qui relèvent de la libération de soi. Alors, Tully définit ces luttes de liberté comme des actes quotidiens, indépendants des manifestations spectaculaires de résistance, visant à protéger, reconquérir, rassembler, sauvegarder, revitaliser, transmettre et adapter des pans entiers d'une vie autochtone pratiquement disparue. Donc, là, le problème de la reconstruction identitaire implique donc de retrouver sa place. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la construction de l'identité personnelle, mais c'est aussi une dimension de cette lutte. Enfin, un des effets, finalement, de cette institutionnalisation, c'est aussi le repli sur soi. Mais c'est le repli sur... c'est-à-dire, comme on ne peut pas lutter pour changer la société, eh ben, on va au moins se changer soi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup quand on va faire du terrain, quand on parle... Moi, pendant j'ai fait, j'ai fait une ethnographie, j'ai passé un séjour de 6 mois et puis après plusieurs séjours plus courts dans la même réserve autochtone. Donc j'ai fait plusieurs... je faisais beaucoup d'entretiens semi-directifs, puis bon, une ethnographie, de, si on peut appeler ça comme ça, de la réserve. Et c'est vrai que cette dimension personnelle, on est face à des individus qui sont tellement perdus, laissés pour compte, etc., que ils sont incapables de fédérer. Il n'y a plus de cette solidarité, quoi, de lutte. Et donc, on va trouver cette solidarité, elle va s'exprimer différemment, notamment dans le mouvement qui me paraît être très intéressant, c'est le mouvement de guérison, qui essaime énormément au Canada et qui est vraiment porté. Donc c'est un repli sur soi, hein, c'est la guérison de soi, mais c'est aussi la reconnaissance de l'autre comme victime. Donc on est dans une forme aussi de reconnaissance, d'ouverture, mais qui est plus basée sur une espèce de d'idéologie ou politique, etc., mais sur une subjectivité. Alors, la spiritualité, donc le fait de monter dans le bois, il parle souvent de ça, de monter dans le bois. Donc on est sur des pratiques aussi, les pratiques ancestrales, s'ils continuent à les pratiquer, ne revêtent plus du tout la même signification. Par exemple, ils vont aller dans le bois pour aller pleurer, pour se mettre à l'écart, pour réfléchir, pour se guérir. Ça, c'est quelque chose, donc ça perd son côté, une économie écologique, là, pour devenir quelque chose de très subjectif. Chacun entretient son propre rapport, finalement, aux pratiques traditionnelles et l'affirme. Donc cette résistance par la revitalisation concrète prend des formes souvent anodines. À l'arrière des maisons, dans la réserve. Donc on va aussi réinvestir la réserve, qui est un territoire sur lequel on les a obligés à être, qui est pourtant le symbole de la domination. Eh ben, à l'arrière des maisons, etc., on va travailler l'espace, on va construire des tentes à suer pour les cérémonies, on va cuisiner, on va créer des panoramas. Alors, ils se retrouvent là, ils créent des... Ils créent aussi ils font de la musique, festival de musique, etc. Il y a énormément de vitalité, et qui passe, oui, par des expressions culturelles. Alors, les individus opposent à la forme de reconnaissance finalement politique un travail sur soi qui se manifeste donc dans des situations extrêmement diverses. Alors, c'est difficile là, d'écrire tout ça. Pendant ma soutenance de thèse, je nommerai pas le membre du jury qui m'a dit ça, mais bon, moi je finissais, j'ai fini ma thèse donc là-dessus, quoi, sur cette espèce de mouvement subjectif très précaire. Très anodin, très quotidien, etc. Et puis il me dit, mais bon, tout ça, en gros, le gars sur son bateau qui jette du tabac dans la mer, on s'en fout. C'est pas ça qui est important, c'est les luttes politiques, etc. C'est comme ça qu'on transforme la société. Et donc c'est vrai, c'est effectivement vrai que ces luttes-là apparaissent comme des luttes extrêmement éparses, et difficile à saisir. Et pourtant, et ben quelques années après avoir fait ce terrain-là, ces luttes, enfin ces modes, en tout cas d'action, cette logique subjective, elle pénètre dans elle se matérialise aussi dans l'espace social. C'est ce que j'observe, par exemple, à travers la commission des vérités et réconciliations. Alors, j'en dirais, il doit me rester 5-10 minutes, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, à peu près. À peu près, bon. Peut-être un peu plus. Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus, c'est ça. On n'aura pas le temps de manger. Bon. On n'aura pas le temps de discuter avant d'aller. Alors, je pense qu'il faut que j'aille réserver. Donc, je vais très rapidement en dire deux mots. Bon, c'est... En fait, mon projet un petit peu actuel, c'est de faire une analyse comparative de ces formes de lutte, de ces formes finalement de reconstruction de soi très individuelle, et de montrer comment elle s'enracine. Et finalement, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'on peut comparer ces luttes-là ? Est-ce qu'il y a des éléments communs, etc. Bon, il y a des éléments communs, effectivement. D'abord, la première chose de cette commission de vérité et réconciliation, c'est que c'est pas les leaders politiques qui parlent. Hein, la première chose, c'est les survivants. C'est-à-dire que c'est un discours qui est intime, c'est un discours qui est totalement subjectif, c'est un discours qui est pas linéaire, c'est un discours les gens bégayent, bredouillent, pleurent. Ça n'a rien d'un discours politique particulièrement, construit, exactement. Là, on est dans une subjectivité où la question aussi du soin et de la guérison est omniprésente à l'intérieur de cette commission. La deuxième chose, c'est que cette commission, donc, elle part de ces témoignages, et elle traduit ces témoignages et ces expériences individuelles en termes de trauma culturel. Et là, c'est totalement nouveau. En fait, c'est totalement nouveau au Canada. Parce qu'aux États-Unis, ça fait bien longtemps qu'on parle, depuis les années 70, bon, de génocide, de traumatisme historique, etc. Mais justement, on retrouve à travers cette histoire des pensionnats la volonté d'enraciner des expériences individuelles dans quelque chose de commun. Et le trauma, là, moi c'est ça que je trouve assez passionnant, c'est-à-dire que souvent on dit les victimes, on oppose victime à action. On dit, en France surtout, là, il y a beaucoup de philosophes, ou Todorov, etc., par exemple, les abus de mémoire, toutes ces choses-là, bon. Moi je juge pas si c'est un abus de mémoire de parler des pensionnats comme un génocide, ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que ça produit comme effet quand on dit que c'est un génocide. au niveau social. Et ce qui se passe, ce qu'on voit actuellement, c'est que cette idée de trauma culturel et le fait de représenter, de dire les autochtones ont été victimes d'un génocide, ça participe à recréer les solidarités qui avaient disparu avec l'institutionnalisation du mouvement. La première chose, c'est de replacer au centre des demandes autochtones la question des droits humains. Si les autochtones demandent aujourd'hui réparation, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour etc. C'est pas parce qu'ils sont différents. C'est parce qu'avant tout ils ont été spoliés, avant tout ils ont été colonisés, avant tout ils ont été victimes de violence et victimes d'injustice. Et ça, leur territoire, c'est une question de survie, tout simplement. Et donc on rebascule vers des formes de légitimation de la lutte qui sont plus basées sur le juridique ou la reconnaissance des droits, mais sur une violation des droits humains. D'ailleurs, et c'est assez intéressant, parce que la commission, pendant les recommandations, moi ça m'a assez surpris, enfin, j'attendais de voir un petit peu les recommandations, qu'est-ce qu'ils allaient dire à la fin, après avoir entendu plein d'histoires comme ça. La première recommandation qu'ils font, c'est « Le Canada doit appliquer la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. » Donc là, on voit bien, c'est drôle, hein, on voit, c'est difficile hein, d'articuler tout ça, mais on voit qu'il y a une dimension extrêmement subjective qui travaille à l'intérieur des communautés autour de cette affirmation de soi subjective, etc., à une espèce de contre-histoire, à une lutte symbolique, etc., et qui va reconnecter ensuite avec le mouvement international sur l'articulation des droits humains, etc., etc. Donc il y a vraiment une espèce un continuum là qui est en train de se faire et qui passe par-dessus quoi, l'État-nation, qui est totalement bloqué. Et le mouvement Idle No More, alors là c'est un petit peu plus compliqué à voir, mais en tout cas, il y a eu des c'est drôle, c'est donc Idle No More, être au point mort en fait. C'est difficilement traduisible en français, personne n'a réussi trop à trouver une traduction de ce truc-là, même les Québécois qui sont pourtant très forts à toujours vouloir chercher une traduction française, ils n'ont pas réussi donc. Parce que idle, en fait, c'est vraiment au point mort. Pour trouver un slogan, plus jamais au point mort, c'est un peu long. Enfin. Donc, ils n'ont jamais réussi. Donc, ils ont trouvé fini l'inaction ou la passivité, c'est fini. Enfin, bon, ils n'ont jamais trouvé quelque chose de bien. Mais ce mouvement, en fait, est né à l'initiative de quatre femmes en Saskatchewan, donc dans une province de l'ouest du Canada, qui, au départ, voulaient sensibiliser les gens à une disposition à l'intérieur d'une loi omnibus au Canada. Ils font ça aussi, ils font une espèce d'énorme package de lois que personne ne peut lire parce que c'est tellement gros que bon. Et puis ils font passer ça d'un bloc au Parlement et personne n'a le temps de lire toutes les dispositions. Et là-dedans, il y avait une disposition qui finalement limitait les évaluations environnementales dans le cas des projets. Bon, vous savez, c'est le Canada est un gros producteur de pétrole, des sables bitumineux, etc. Et donc forcément, bon, tout ce qui est environnement et tout ça, bon, ça nuit au développement économique du pays. On va voir ce que ça va donner en octobre, là, avec les élections fédérales. A priori, pour l'instant, ce serait néo-démocrate, mais c'est très très serré. Et donc cette lutte, elle touchait donc cette disposition légale pour s'opposer à cette révision finalement du processus d'évaluation environnementale. Et le slogan était donc Idle No More. Et ça a très rapidement dépassé cette idée de loi omnibus, etc. Et quand je suis allé aux manifestations, c'était vraiment tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, il y avait justice pour les femmes, je veux les mêmes droits, enfin, l'opposition à la loi. Alors, il y avait aussi des syndicalistes qui venaient pour s'opposer justement aux dispositions qui étaient dans cette loi. Il y a eu des prêtres, parce que comme ça se déroulait plus ou moins en même temps que la commission, ils venaient montrer leur soutien, etc. Mais c'était extrêmement bigarré, il y avait plein de gens extrêmement différents, et tous rassemblés, et puis des modes d'action qu'on n'avait jamais vus depuis très longtemps. J'ai quelques photos, mais... Donc c'était beaucoup de danse, beaucoup d'activités culturelles, des performances... Des flash mobs, là, comme ils disent, en pleine rue d'Ottawa. Enfin, bon, donc, on était vraiment pas dans la mise en scène de soi, mais vraiment l'expression de soi. Donc, dans une dimension de la mobilisation très populaire, très culturelle, mais pas culturelle folkloriste, culturelle, vraiment dans le sens, comment dire, pour. Challenger les représentations dominantes des autochtones. On est là, on est vivant, on est présent, on occupe l'espace public. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment nouveau. Et l'enjeu vraiment du mouvement, c'était pas changer la société, mais c'était l'action. Ça résidait dans l'action en soi. On est là, on bouge, on parle, on crie. C'était ça. Le but. Donc bon, bah, avec ça, ça n'a pas duré très, très, très longtemps, mais ça a eu un retentissement assez important à travers le monde. Donc à suivre, voir comment ça va se... C'est quelle date exactement ? Ça a commencé en décembre 2000, quand je suis arrivé, 2012, jusqu'à février 2013. Donc il y a eu 5 ou 6 grandes manifestations, au départ national, ensuite international. Et puis le mouvement s'est rapidement essoufflé. Il y a eu des manifestations à Paris, il y en a eu au Mexique. Enfin, c'est drôle, c'est une thématique qui a rassemblé énormément de gens au-delà. Donc très critique vis-à-vis des leaders autochtones, affirmation d'un mouvement de la dimension populaire... Une organisation totalement horizontale, sans porte-parole. Le premier qui commençait à parler dans les médias au nom d'Idle No More, il se faisait tout de suite reprendre par... Donc, vraiment très inspiré des mouvements Occupy, etc. Et ça, c'est... Il n'y a aucun lien avec le printemps érable ? Non. Non, aucun. Aucun. Alors, ils ont repris au Québec une plume rouge comme symbole de la manifestation. C'est sûr que dans le sillage du printemps érable, il y a eu une mobilisation, une sensibilité des étudiants à l'égard du mouvement qui était assez... Et surtout, c'était beaucoup de jeunes, pareil, scolarisés, qui sont maintenant à l'université. Par exemple, au Québec, c'était deux femmes. Deux jeunes étudiantes qui étaient les porte-parole, entre guillemets, du mouvement à Montréal, qui organisaient, qui ont été très actifs à Québec et à Montréal pour organiser les manifestations. Donc, des femmes scolarisées, etc. Enfin, tout l'inverse du mouvement politique très masculin, âgé. Voilà, donc c'est un petit peu ça sur lequel portent mes recherches, là, maintenant, sur une espèce de connexion des luttes, de toutes ces luttes. Bon, alors, le problème des luttes étudiantes, de la connexion entre les luttes étudiantes et les luttes autochtones, c'est ça, quoi. C'est que les luttes, le printemps érable était très relié à la question du mouvement souverainiste. Et dès qu'on parle du mouvement souverainiste, les autochtones sont vus comme des concurrents et pas comme des alliés. Donc c'est très très difficile, à part maintenant Québec solidaire, qui est le parti, on va dire, un parti de gauche au provincial, mais qui rassemble pas beaucoup de qui eux, bon, essayent de formuler les questions autochtones donc, d'une autre manière. Mais sinon, le Parti québécois est très très... très très anti-autochtone. Alors que René Lévesque était, dans les années 70, stratégiquement parlant, hein, je ne veux pas dire que c'était pas un Indian lover, hein, mais stratégiquement parlant, il avait compris que le Québec ne sera une nation qu'à partir du moment où il parviendra à régler la question autochtone. Donc il avait reconnu, dès les années 80, il avait fait voter à l'Assemblée nationale une reconnaissance des nations autochtones au Québec, etc. C'était le premier à avoir reconnu les autochtones comme des nations. Alors c'était symbolique, hein, mais c'était déjà ça. Bah, aujourd'hui, il dit que c'est le problème d'Ottawa, c'est pas le mien. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, et puis... Et le problème, c'est que ça vient concurrencer un petit peu leur disons qu'ils s'appuient un petit peu comme le Canada, quoi. Ils s'appuient sur les luttes autochtones pour dire il faut faire la souveraineté pour que on donc, il s'appuie sur le fait que sur cette figure de l'altérité, si vous voulez, pour penser leur propre identité. C'est un truc banal, mais... Il dit clairement à Ottawa, délivrez-nous du problème Mohawk, entre autres. Quoi. Moi, je ne veux plus voir de Mohawk en Kalachnikov dans le centre de Québec. Quoi. Bah, le problème, c'est qu'ils sont... Bon, alors, ils disent... là, je lisais récemment l'ouvrage de Beauchemin... La souveraineté en héritage, Beauchemin, c'est un... Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous en avez entendu parler. Bon. Il a fait un grand bruit au Québec. Bon, Beauchemin, c'est un sociologue de l'UQAM qui est pour la cause souverainiste, etc. Il n'y a pas une ligne dans son bouquin sur la question autochtone. C'est-à-dire que c'est pas... Alors, il parle de destin du peuple québécois pour accomplir et faire son histoire et qu'il faut aller jusqu'au bout de ce... Donc, de cette destinée, enfin bon. Ouais, non mais. Bon. Donc, c'est le fait que ça se formule en ces termes-là, je veux dire, comment on peut penser au Québec aujourd'hui, la question de l'altérité se pose de manière très très conflictuelle. Okay. De la différence culturelle et de la diversité. Elle se pose au Québec de manière très très conflictuelle. La charte des droits et la charte des valeurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire-là au Québec. Bon, ils ont voulu, il y a un an, mettre en place une charte des valeurs parce que le Québec a des racines profondes républicaines, etc., comme en France, quoi. Donc, ils sont en ce moment à fond sur le modèle français. Il faut devenir comme la France. Donc, assumer nos valeurs, notre identité nationale, etc. Donc, bien sûr, bah, ça se fait au détriment... Bah, ça se fait forcément contre quelqu'un, hein. Donc le but, bon, clairement, c'était d'interdire tous les ports des signes religieux dans la fonction publique, etc. Donc là, ça a été une scission complète, y compris au sein du Parti québécois. Enfin, pas au sein du Parti québécois, mais entre les souverainistes, ça a fait des dégâts énormes au sein des départements, dans l'université. Entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et puis c'est très mal fini. D'ailleurs, le gouvernement de Mauroy, enfin du Parti québécois, a été au bout de 4 mois. Enfin, ils sont arrivés en septembre, ils étaient minoritaires. Arrivés en avril, c'était déjà fini. Chac. Le problème des autochtones au Québec, c'est qu'ils sont dans une province qui se construit contre, qui affirme son identité, qui structure son identité en contre la différence culturelle. Il n'y a qu'à voir, pour sortir du Québec, parler du New Brunswick. New Brunswick a un stand extrêmement cher au Festival intersectif de l'Orient depuis presque 15 ans maintenant, et où il sert... ce que moi j'appellerais de la propagande misérabiliste sur nous autres, les pauvres francophones, vous savez, opprimés d'Acadie, etc. Oui. Venez donc nous sauver, venez donc nous aider, etc. Quand on leur pose la question... immigré, quoi, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, enfin, enfin, on a envie de pleurer pour eux. Et donc, quand on leur pose la question des autochtones, c'est assez pathétique. Voilà. On voit la violence, la harme, le racisme, même pas caché. Enfin, je veux dire, et ils sont à Lorient, et on les invite. Et on les... Oui. C'est assez pathétique. Oui, moi j'étais assez surpris aussi quand je suis arrivé là-bas. Alors ça a beaucoup changé, surtout chez les jeunes. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé ma thèse en 2004. Et les jeunes doctorants que j'ai côtoyé à l'université Laval comme ça pendant mon séjour là-bas, quand ils me demandaient sur quoi je travaillais, quand je leur parlais des autochtones, ils me disaient encore un Français qui vient. Ouais, c'est ça, qui vient défendre les autochtones. Et puis, effectivement, ils sont ouvertement racistes et tout ça. Mais ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce que ça change beaucoup chez les jeunes, en fait. Chez les étudiants, moi, maintenant, les étudiants que j'ai eus démontrent un réel intérêt. Je peux les faire travailler sur les questions autochtones, on peut aborder la question des pensionnats, on peut aborder la question de la colonisation. Il n'y a pas de... Ils produisent des travaux d'une grande qualité. Maintenant, ils se focalisent beaucoup plus sur la question des musulmans. Hein. Au Québec, en ce moment, finalement, ils sont contents. Les autochtones, ça les dérange plus. En ce moment, c'est beaucoup la question. Ouais, c'est beaucoup le problème, c'est ça, quoi. C'est vraiment la diversité culturelle et l'immigration. C'est plus les autochtones. Ils sont passés un peu à autre chose. C'est comme si les luttes politiques, finalement, les avaient tellement. C'est comme si ça y est, là, ils avaient disparu et puis et ils sont en train de se. Bon, et puis bon, les pensionnats, ça a pas fait la commission, elle a pas fait parler beaucoup. Au moment où ils organisaient des événements, oui, dans les médias, etc., ils ont repris certains trucs. Et puis, mais sinon, pas vraiment. Et ouais, ça commence à changer. Ouais. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, je trouve au niveau des jeunes, en tout cas. Mais ça reste très. La communication est finie. Oui, bien sûr. Je crois qu'on avait fait une transition douce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris dans cette communication. Et puis, c'est un peu frappant, par exemple, on est plusieurs avec le festival de Douarnenez.